Étrange que le pasteur reste en haut aussi longtemps aujourd'hui. Oh, ça lui arrive souvent. Il va pas tarder à descendre, je pense. Vous l'avez vu ? À peine. Quand je suis monté apporter le café, il était dans sa chambre et s'habillait. Je pose la question parce qu'hier, il ne se sentait pas très bien. Oui, je l'ai remarqué. Je me demande s'il ne s'est pas passé quelque chose entre son beau-frère et lui. Que croyez-vous qu'il s'est passé ? Je n'en sais rien. C'est peut-être ce Mortensgaard qui les a montés l'un contre l'autre. C'est bien possible. Vous le connaissez, ce Peder Mortensgaard ? Oh non ! Comment mademoiselle peut-elle s'imaginer un homme comme lui ? Vous dites ça parce qu'il publie ce vilain journal ? Oh, il n'y a pas que ça. Mademoiselle a sans doute entendu dire qu'il a eu un enfant d'une femme mariée, abandonnée par son mari. Je l'ai entendu dire, mais c'était bien avant mon arrivée. Mon Dieu, oui, il était tout jeune à l'époque. Elle aurait dû être plus raisonnable que lui. Et même, il voulait se marier avec elle. Mais ça n'a pas été possible. Cette histoire lui a coûté cher. Mais depuis, ma foi, ce Mortensgaard s'est relevé. Il y a beaucoup de gens qui ont recours à cet homme. La plupart des petites gens s'adressent à lui quand ils sont dans l'embarras. Oh, il doit s'en trouver d'autres que les petites gens. Ah bon ? Il s'en trouve même auxquels on ne penserait pas du tout, mademoiselle. Ce n'est qu'une idée, madame Elset, car vous n'en savez rien, au juste. Alors, mademoiselle s'imagine que je ne sais rien ? Eh bien si, je sais. Parce que, s'il faut vraiment que je le dise, j'ai moi-même une fois porté une lettre à Mortensgaard. Non, vous ? Oui, moi. Et cette lettre, on l'avait écrite ici, à Rosmersholm. Vraiment, madame Elset ? Ma foi, oui, comme je dis. Et sur du beau papier. Et il y avait aussi un beau cachet de cire rouge dessus. Et on vous a chargé de la porter. Chère madame Elset, il n'est pas difficile de savoir qui l'avait écrite. Ah bon ? C'était bien entendu une idée de la pauvre madame Rosmer, malade comme elle l'était. C'est mademoiselle West qui le dit, pas moi. Mais qui avait-il dans cette lettre ? Ah, c'est vrai, vous ne pouvez pas le savoir. Oh ! Il pourrait bien se faire que je l'ai su tout de même. Elle vous a dit ce qu'elle avait écrit ? Non, pas vraiment. Mais quand Mortensgaard l'a lu, il s'est mis à m'interroger en long et en large. Si bien que j'ai pu comprendre ce qu'il y avait dans la lettre. Et que croyez-vous qu'il y avait ? Oh, ma gentille madame Elset, dites-le-moi. Oh non, mademoiselle, pour rien au monde ! Oh, moi, vous pouvez bien me dire, nous sommes si bonnes amies. Oh, Dieu me garde de vous parler de ça, mademoiselle. Oh. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était de vilaines choses qu'on avait suggérées à la pauvre malade. Qui lui avait suggéré ces choses ? De méchantes gens, mademoiselle West, de méchantes gens. Méchantes ? Oui, je le répète, ce ne pouvait être que de très méchantes gens. Et qui ça, selon vous ? Oh, j'ai bien mon idée là-dessus, mais Dieu me garde d'en parler. Il y a bien une certaine dame en ville. Ah, je vois à votre visage que vous pensez à madame Kroll. En voilà une, celle-là ! Avec moi, elle a toujours fait la fière. Et vous, elle vous a jamais regardé d'un bon œil. Mais croyez-vous que madame Rosmer avait toute sa raison quand elle a écrit cette lettre à Mortensgaard ? C'est chose étrange, la raison, mademoiselle. Si folle que ça, je ne crois pas qu'elle l'était. Mais elle a été très atteinte quand elle a su qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. C'est alors que la folie a éclaté. Oui. Le coup a été rude, pauvre dame. D'ailleurs, au fond, pour le pasteur, ça a été une bonne chose. N'est-ce pas, madame Elset ? Quoi donc, mademoiselle ? Qu'il n'y ait pas eu d'enfant. Oh ! Je ne sais pas trop quoi en dire. Si, croyez-moi, c'était mieux pour lui. Le pasteur Rosmer n'est pas fait pour vivre au milieu des cris d'enfants. Les enfants ne crient pas, Rosmer Soulme, mademoiselle. Ils ne crient pas. Non ! Ici, au domaine, on n'a jamais entendu les enfants crier, aussi loin qu'on en garde la mémoire. C'est étrange. N'est-ce pas que c'est étrange ? Mais cette famille... Il y a encore autre chose d'étrange. Quand ils grandissent, ils ne rient jamais. Ils ne rient jamais de toute leur vie. Ce serait tout de même étonnant. Mademoiselle a-t-elle jamais entendu ou vu rire le pasteur ? Non. En y réfléchissant, je crois bien que vous avez raison. Mais les gens ne rient pas beaucoup, en définitive, dans cette région, me semble-t-il. C'est vrai. Les gens disent que c'est parti de Rosmersholm. Et ça a dû se répandre, comme une maladie, je crois. Vous êtes une femme profonde, Madame Elsette. Oh, la demoiselle ne devrait pas se moquer de moi. Chut, chut. J'entends le pasteur qui descend. Il n'aime pas me voir ici avec mon plumeau. Bonjour, Rebecca. Bonjour, cher ami. Tu sors? Oui. Il fait très beau. Tu n'es pas montée me voir ce matin? Non, je ne suis pas montée. Pas aujourd'hui. Tu ne le feras plus désormais? Je ne sais pas encore. Y a-t-il du courrier pour moi? La Gazette régionale est arrivée. La Gazette régionale? Elle est là. Et y a-t-il quelque chose? Oui. Tu ne l'as pas fait monter. Tu la liras bien assez tôt. Ah bon? Quoi? Nous pouvons que mettre en garde contre de vols déserteurs. Non mais, il m'appelle déserteur, Rebecca. On ne donne aucun nom. Cela revient au même. Perfide. Traître à notre cause. Des natures de Judas qui proclament sans vergogne leur reniement dès lors qu'ils croient que le moment propice et profitable se présente. Attentat scandaleux à la mémoire de leurs respectables ancêtres. En attendant la récompense, que ne manqueront pas de leur décerner les détenteurs actuels du pouvoir. Et voilà comme ils écrivent. Eux qui me connaissent si bien et depuis si longtemps. Mais ils n'y croient pas eux-mêmes. Ils savent qu'il n'y a pas un mot de vrai là-dedans, mais l'écrivent, malgré tout. Ce n'est pas tout. L'excuse d'un jugement inexpérimenté. Une influence pernicieuse qui s'étend peut-être à des domaines que nous ne pouvons pas pour l'instant évoquer ou condamner publiquement. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi que cela vise, bien sûr. Mais Rebecca, ceci est le fait d'hommes sans honneur. Oui, je trouve qu'ils n'ont rien à envier à Morton's Gord. Il faut une réaction salutaire. Tout ce qu'il y a de bon en l'homme finira par sombrer si cela continue. Il n'en est pas question. Comme je serais heureux. Comme je serais heureux si je pouvais apporter un peu de lumière dans cette laideur ténébreuse. Mais n'est-ce pas, tu as là une grande et magnifique raison de vivre. Imagine si je pouvais réveiller en eux leur conscience de soi. Les amener à regretter, à avoir honte d'eux-mêmes. Les rapprocher les uns des autres dans un esprit de réconciliation, d'amour, Rebecca. Oui, jette toutes tes forces dans la bataille et tu verras, tu gagneras. Il me semble qu'on pourrait réussir. Oh, quelle joie de vivre alors ce serait. Plus de combats haineux, rien que de l'émulation. Tous les regards dirigés vers le même but, toutes les volontés, tous les esprits tournés vers l'avant, vers le haut, chacun suivant le chemin de sa propre nature. Bonheur pour tous, créé par tous. Non, pas par moi. Non, pas par toi. Et pas pour moi non plus. Oh, Rosmer, ne laisse pas un pareil doute t'envahir. Le bonheur, chère Rebecca. Le bonheur, c'est avant tout la joie sereine qu'on éprouve à se sentir innocent. Oui, cette affaire est de culpabilité. Oh, toi, tu ne peux guère en juger, mais moi... Toi, encore moins. Le torrent du moulin. Oh, Rosmer. Mademoiselle. Plus tard, pas maintenant. Juste un mot, mademoiselle. C'était pour moi? Non, rien que des affaires d'intendance. Tu devrais sortir, cher ami, prendre l'air, faire une longue promenade. Oui, viens, nous irons ensemble. Non, non, je ne peux pas maintenant, vas-y tout seul. Mais tâche d'écarter toutes ces sombres pensées, promets-le-moi. Je n'arriverai jamais à les écarter, j'en ai bien peur. Oh, mais qu'une chose si dénuée de fondement puisse avoir une telle emprise sur toi. Hélas, elle n'est pas si dénuée de fondement. J'y ai pensé toute la nuit. Béate a peut-être vu juste, malgré tout. En quoi? Elle a vu juste en pensant que je t'aimais, Rebecca. Vu juste en cela? Je me débats avec cette question. N'avons-nous pas été tous les deux dupes de nous-mêmes, en appelant amitié notre relation? Tu veux dire que nous aurions tout aussi bien pu appeler cela une... Une relation amoureuse, oui, c'est ce que je veux dire. Déjà, du vivant de Béate, c'est vers toi qu'allaient toutes mes pensées. C'est toi seul qui m'enchantais. C'est auprès de toi que j'éprouvais cette félicité du désir aboli, joyeuse, apaisée. Mais si nous y réfléchissons, Rebecca, Notre vie commune a commencé comme un amour d'enfance. Tendre, secret, sans exigence et sans rêve. N'est-ce pas ce que tu as éprouvé, toi aussi? Dis-le-moi. Oh, je ne sais quoi répondre. Et cette vie intime, l'un dans l'autre et l'un pour l'autre, nous l'avons prise pour de l'amitié. Non, vois-tu. Notre relation a été un mariage spirituel, peut-être dès les premiers jours. Voilà pourquoi je suis coupable. Je n'avais pas le droit, à cause de Béate. Pas le droit de vivre heureux. Elle regardait notre relation avec les yeux de son amour. Jugeait notre relation selon la nature de son amour. Bien entendu, Béate ne pouvait pas la juger autrement. Mais comment peux-tu t'accuser des égarements de... C'est par amour pour moi, sa façon d'aimer, qu'elle s'est jetée dans le torrent du moulin. C'est un fait établi, Rebecca. Je n'en sortirai jamais. Oh, ne pense pas à autre chose qu'à cette grande et belle mission pour laquelle tu donneras ta vie. Elle ne pourra certainement pas être accomplie. Pas par moi, en tout cas. Sachant ce que je sais maintenant. Et pourquoi pas par toi? Parce qu'on ne fait jamais triompher une cause qui prend sa source dans le crime. Oh, ce doute! Cette angoisse! Ces scrupules, ce sont ceux de ta famille! On raconte ici que les morts reviennent comme des chevaux blancs au galop. On dirait bien que c'est vrai. Qu'il en soit ce qu'on voudra. À quoi cela me sert si je ne peux m'en détacher? Et tu peux me croire, Rebecca. C'est comme je dis. La cause, pour qu'elle triomphe durablement, il faut qu'elle soit défendue par un homme joyeux et innocent. La joie est-elle pour toi tellement indispensable, Rosmer? La joie? Oui, indispensable. Pour toi qui ne ris jamais? Il n'empêche. Crois-moi, je suis fait pour la joie. Maintenant, tu devrais sortir, cher ami. Loin, très loin, tu entends? Et tu ne viens pas avec moi? Non, non, je ne peux pas maintenant. Fort bien. Tu n'en seras pas moins avec moi. Il est sorti? Oui. Il a coutume d'aller loin? Oui, mais aujourd'hui, il est imprévisible. Et si vous ne voulez pas le rencontrer... Non, non, c'est à vous que je veux parler. Et seul à seul. Alors, nous n'avons pas de temps à perdre. Mademoiselle West, vous ne vous imaginez pas à quel point je suis profondément et douloureusement affecté par le revirement de Johannes Rosmer. Nous nous y attendions, dans un premier temps. Dans un premier temps seulement. Rosmer avait le ferme espoir que tôt ou tard vous le rejoindriez. Moi? Vous et tous ses autres amis. Ah, vous voyez quelle faiblesse de jugement sur les gens et sur les choses de la vie. Mais puisqu'il éprouve de toutes parts le besoin de se libérer... Oui, mais voyez, c'est précisément ce dont je doute. Que croyez-vous alors? Je crois que c'est vous qui êtes derrière tout cela. Vous tenez cette idée de votre femme, proviseur? Mais peu importe de qui je la tiens. Mais ce qui est certain, c'est qu'un fort soupçon me vient. Un soupçon extrêmement fort, je précise. Quand je réfléchis et que je considère toute votre conduite depuis votre venue ici. J'ai souvenir d'un temps où vous aviez extrêmement confiance en moi, cher proviseur. Une chaude confiance, dirais-je même. Qui n'auriez-vous pas ensorcelé en vous y appliquant? Me suis-je appliqué? Oui, parfaitement, je ne suis plus assez fou pour me figurer qu'il y avait quelques sentiments dans votre jeu. Vous vouliez tout simplement vous introduire à Rosmer Solm, vous implanter ici, et je devais vous y aider, maintenant je vois clair. Vous avez donc complètement oublié que c'est Béate qui m'a supplié de venir m'installer ici? Vous l'aviez ensorcelé, elle aussi. Comment peut-on appeler amitié ce qu'elle éprouvait pour vous? C'était devenu de l'idolâtrie, de l'adoration qui avirait à... Comment dirais-je? à une sorte d'amour-passion désespéré. Il n'y a pas d'autre mot. Ayez la bonté de vous rappeler l'état de votre sœur. Quant à moi, je ne crois pas qu'on puisse dire que je suis une exaltée. Non, certainement pas. Vous en êtes d'autant plus dangereuse pour les gens que vous cherchez à dominer. Il vous est facile d'agir de sang-froid et par calcul, précisément parce que vous avez un cœur de glace. De glace ? En êtes-vous si sûr ? Maintenant, j'en suis tout à fait sûr. Sinon, vous n'auriez pu, année après année, poursuivre votre but avec autant de détermination. Oui, oui, vous êtes arrivé à vos fins. Vous avez établi votre pouvoir sur lui et sur tout le reste. Mais pour y parvenir, vous n'avez pas hésité à le rendre malheureux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi. C'est vous qui l'avez rendu malheureux. Moi ? Oui. Quand vous lui avez suggéré qu'il était responsable de la fin tragique de Béate. Il en a donc été profondément affecté ? Vous pouvez bien l'imaginer, une âme aussi délicate que la sienne. Mais je croyais qu'un homme soi-disant libéré savait s'affranchir de tout scrupule, mais voilà où nous en sommes. Oui, oui, au fond, je le savais bien. Le descendant des hommes qui nous regardent ici ne saurait se délester si facilement de l'héritage inéluctablement transmis de génération en génération. Johannes Rosmer tient à sa famille par de profondes racines. C'est une vérité certaine. Oui, et vous en auriez tenu compte si vous aviez eu du cœur. Mais vous ne pouviez sans doute pas avoir ce genre d'attention. Vos antécédents sont tellement différents des siens. De quels antécédents voulez-vous parler ? Des antécédents de votre existence. De vos origines, mademoiselle West. Ah, je vois. Oui, c'est vrai, je suis d'origine très modeste, mais tout de même... Non, ce n'est pas la classe, ni le rang social que je pointe. Je pense aux antécédents moraux. Antécédents de quoi ? Ce à quoi vous devez votre naissance. Qu'est-ce que vous dites ? J'en parle uniquement parce que toute votre conduite en découle. Je ne comprends pas. Je veux être clairement informée. Ah, mais je croyais vraiment que vous l'étiez. On ne s'expliquerait pas autrement pourquoi vous vous êtes laissé adopter par le docteur West. Ah, je vois. Maintenant, je comprends. Pourquoi vous avez pris son nom ? Le nom de votre mère était Gamvik. Gamvik était le nom de mon père, monsieur le proviseur. Le métier de votre mère a dû la mettre très souvent en rapport avec le médecin du district. Vous avez raison. Et il vous prend chez lui dès la mort de votre mère. Il vous traite durement et pourtant vous restez chez lui. Vous savez qu'il ne vous laissera pas un sou. D'ailleurs, vous n'avez eu qu'une caisse de livres en héritage. Et pourtant, vous persistez à rester chez lui. Vous le supportez. Vous le soignez jusqu'à son dernier souffle. Et que j'ai fait tout cela, vous l'expliquez par je ne sais quoi d'immoral ou de criminel entourant ma naissance. Ce que vous avez fait pour lui, je me l'explique par un instinct filial involontaire. Quant au reste, toute votre conduite, je la considère comme découlant de vos origines. Mais il n'y a pas un mot de vrai dans tout ce que vous dites. Et je peux le prouver. Car le docteur West n'était pas arrivé au Finnmark lorsque je suis née. Oh, pardon, mademoiselle, il y est arrivé un an plus tôt. Je me suis renseignée. Vous vous trompez, je vous dis. Vous vous trompez complètement. Vous avez dit avant-hier que vous aviez 29 ans. Que vous alliez sur vos 30 ans. Ah, j'ai dit ça ? Oui, et de là, je peux calculer. Arrêtez, vos calculs sont vains, car je peux tout aussi bien vous le dire tout de suite. J'ai un an de plus que ce que j'avoue. Vraiment ? Ah, voilà qui est étrange. Comment cela se fait-il ? Quand j'ai eu 25 ans révolu, il m'a semblé, n'étant pas encore mariée, que je devenais vraiment trop vieille, alors j'ai commencé de mentir sur mon âge, de me rajeunir d'un an. Vous ? Oh, une femme libérée. Vous avez des préjugés quant à l'âge de se marier ? Oui, c'était stupide et ridicule aussi, mais il y a toujours des choses auxquelles on reste attaché. Et dont on ne peut se libérer, c'est comme ça. Eh bien, soit, mais mon calcul peut s'avérer juste malgré tout, car le docteur West a fait là-haut, au Finnmark, une brève visite l'année d'avant sa nomination. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, parce que mère n'en a jamais parlé. Elle n'en a rien dit. Non, jamais. Et le docteur West non plus. Jamais un mot. Ne pourrait-il se faire que tous les deux aient eu des raisons pour sauter une année? Comme vous, mademoiselle West, peut-être est-ce un trait de famille? C'est impossible. C'est vous qui voulez me le faire croire. Jamais de la vie. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Jamais de la vie. Mais pourquoi, grand Dieu, vous mettre dans cet état? Vous me faites peur. Que dois-je croire? Que dois-je penser? Rien. Vous ne devez rien croire, ni rien penser. Alors il faut m'expliquer. Pourquoi cette affaire, enfin, cette possibilité vous affecte à ce point? C'est tout simple, proviseur Kroll. Je n'ai pas envie de passer ici pour une enfant illégitime. Ah bon? Fort bien. Contentons-nous de cette explication, pour le moment. Toujours est-il que vous avez gardé un certain préjugé sur ce point-là aussi. Oui, sans doute. Eh bien, il me semble qu'il en va de même avec ce que vous appelez votre libération. Vos lectures vous ont apporté tout un tas d'idées nouvelles et d'opinions. Vous avez acquis un semblant de savoir sur des recherches menées dans différents domaines. Des recherches qui semblent bouleverser pas mal de choses que nous tenions jusque-là pour inattaquables et irréfutables. Mais tout cela est resté chez vous à l'état d'abstraction, mademoiselle West. Un pur savoir. Vous ne l'avez pas dans le sang. Peut-être avez-vous raison. Oui. Interrogez-vous seulement et vous verrez. Et s'il en est ainsi pour vous, on imagine facilement ce qu'il en est pour Johannes Rosmer. C'est de la folie pure, c'est comme se jeter tout droit dans la perdition, à vouloir proclamer publiquement son reniement. Pensez donc, un esprit timide comme le sien, vous l'imaginez repoussé, persécuté par le cercle auquel il a jusqu'ici appartenu, exposé aux attaques intraitables de l'élite de notre société, jamais de la vie il ne sera homme à supporter cela. Il faut qu'il le supporte. Il est trop tard maintenant pour reculer. Absolument pas. Ce qui s'est passé, on peut le taire, ou du moins l'interpréter comme un égarement passager, quoique regrettable. Mais il y a une mesure indispensable à prendre. Laquelle? Vous devez le persuader de légaliser sa situation, mademoiselle West. Sa situation vis-à-vis de moi? Oui, vous le devez. Vous ne pouvez donc pas vous défaire de l'idée que notre situation aurait besoin d'être légalisé, comme vous dites. Je ne veux pas m'engager plus avant sur ce sujet. Mais je crois en effet avoir observé que s'il y a un domaine où rompre avec tous les prétendus préjugés et choses aisées, c'est bien celui des... Celui des relations entre hommes et femmes, vous voulez dire? Oui. Franchement, je le crois. Pour un peu, j'allais dire, si seulement vous aviez raison... Proviseur Kroll. Qu'entendez-vous par là? C'est si étrangement dit. Allons, n'en parlons plus. Ah, le voilà. Déjà, alors je m'en vais. Non, restez. Vous allez apprendre quelque chose. Non, pas maintenant. Je ne crois pas que je supporterai de le voir. Je vous en prie, restez. Faites-le. Autrement, vous le regretterez plus tard. C'est la dernière fois que je vous demande quelque chose. Eh bien, soit. Mademoiselle West. Comment? Tu es là? Il aurait préféré ne pas te rencontrer, Rosmer. Te rencontrer? Oui, monsieur le proviseur Rosmer et moi, nous nous tutoyons. Notre relation nous y a conduit. C'était cela que vous vouliez me faire entendre? Cela. Et un peu plus encore. Quelle est la raison de ta visite ici aujourd'hui? Je voulais tenter une fois encore de t'arrêter et de te ramener à nous. Après ce qui est dit là-dedans? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. As-tu fait quelque chose pour l'empêcher? Cela aurait été injustifiable vis-à-vis de la cause que je défends. Et de toute façon, ce n'était pas en mon pouvoir. Voilà. qu'il est hors de notre vue et qu'il soit hors de notre esprit aussi. Car il ne paraîtra plus rien de tel, Rosmer. Oui, si vous pouviez faire en sorte qu'il en soit ainsi. Venez, asseyons-nous, mes amis, tous les trois. Et je vais tout vous dire. Qu'y a-t-il, Rebecca? Ce calme effrayant, qu'est-ce que c'est? Le calme de la résolution. Vous aussi, asseyez-vous, proviseur. La résolution, dis-tu? Mais quelle résolution? Je vais te redonner ce dont tu as besoin pour vivre. Tu vas retrouver ta joyeuse innocence, cher ami. Et qu'y a-t-il? Il suffira que je raconte. Rien d'autre. Eh bien. Quand je suis arrivée ici, du Finnmark, avec le docteur West, il m'a semblé que s'ouvrait devant moi un monde nouveau, immense. Le docteur m'avait enseigné un peu de tout, toutes les connaissances éparses que j'avais sur la vie en ce temps-là, et alors... Et alors? Mais Rebecca, enfin, tout cela, je sais. Oui, oui, au fond, tu as raison, tu ne sais que trop. Il vaut peut-être mieux que je m'en aille. Non, restez, proviseur. Et alors, vois-tu, je voulais être de ces temps nouveaux qui s'annonçaient. Être en accord avec toutes ces idées nouvelles. Le proviseur Kroll m'a dit un jour qu'Ulrich Brendel avait eu sur toi une grande influence à l'époque où tu étais encore enfant. J'ai pensé que je pourrais reprendre les choses là où il les avait laissées. Tu es venu ici avec une intention cachée. Je voulais que nous gagnions ensemble en liberté. Toujours plus loin, toujours à l'extrême. Mais il y avait ce mur sinistre, infranchissable, obstacle à ta libération totale. Mais de quel mur parles-tu? Je veux dire, Rosmer, que tu ne pouvais grandir en liberté sans être dans la clarté du soleil. Et tu étais là, à dépérir, à t'étioler dans les ténèbres de ton mariage. Jamais encore tu m'as parlé de mon mariage en ces termes. Non, je n'osais pas car j'avais peur de t'effrayer. Mais tu entends? Mais j'ai vite compris où était ton salut. Le seul salut. Et j'ai agi. À quels agissements fais-tu allusion? Voulez-vous dire par là que... Oui, Rosmer. Et maintenant, il faut que la lumière se fasse. Ce n'est pas toi, Rosmer. Tu es innocent. C'est moi qui l'ai attiré. Qui ai fini par attirer Beate sur les chemins de l'égarement. Rebecca! Sur les chemins de l'égarement. Sur les chemins qui menaient au torrent du moulin. Voilà. Vous deux, vous savez tout. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle dit, là? Je ne comprends pas un mot! Oh, si, je commence à comprendre. Mais enfin, qu'as-tu fait? Qu'as-tu bien pu lui dire? Il n'y avait rien! Absolument rien! Elle a su que tu luttais pour te sortir de tous ces vieux préjugés. Oh, oui, mais ce n'était pas encore le cas à l'époque! Je savais que tu le ferais bientôt. Et alors? Et après? Je veux tout savoir! Quelque temps plus tard, je l'ai supplié de me laisser partir de Rosmersholm. Mais pourquoi voulais-tu partir à l'époque? Je ne voulais pas partir. Je voulais rester ici, où j'étais. Mais je lui ai dit qu'il valait mieux pour tout le monde que je parte avant qu'il ne soit trop tard. Je lui ai fait comprendre que si je restais davantage, il pourrait se produire N'importe quoi. Voilà donc ce que tu as dit et fait. Oui, Rosmer. Voilà ce que tu appelles agir. J'appelais cela agir, oui. As-tu maintenant tout confessé, Rebecca? Oui. Non. Pas tout. Qui aurait-il d'autre? N'avez-vous pas, pour finir, fait comprendre à Beate qu'il était nécessaire, pas seulement qu'il valait mieux, mais qu'il était nécessaire par respect pour vous et pour Rosmer que vous partiez ailleurs le plus vite possible, non? Peut-être ai-je dit quelque chose d'approchant. Et à ce tissu de mensonges et de tromperies, elle a... Cette malheureuse malade y a cru. Cru fermement, inébranlablement. Et jamais elle ne s'est tournée vers moi. Pas un mot. Jamais. Oh, Rebecca. Je le vois sur ton visage. C'est toi qui l'en as dissuadée. Elle s'était mise dans la tête qu'une femme sans enfant comme elle n'avait pas le droit d'être ici. Et elle s'est imaginée que son devoir envers toi était de céder la place. Et toi, tu n'as rien fait pour la sortir de ce délire. Non. Peut-être même l'avez-vous encouragée. N'est-ce pas ce que vous avez fait? C'est ce qu'elle a dû comprendre, je pense. Oui. Et elle se pliait à ta volonté en tout. Et elle a cédé la place. Oh, Rebecca, comment as-tu pu? Comment as-tu pu mener ce jeu épouvantable? Il m'a semblé qu'il fallait choisir entre deux vies, Rosmer. Vous n'aviez aucun droit de faire ce choix. Mais croyez-vous que j'ai agi avec sang-froid et préméditation? Je n'étais pas alors celle que je suis aujourd'hui et qui vous raconte tout. Et ne peut-il y avoir deux sortes de volonté chez un être humain? Je voulais que Beate disparaisse, d'une manière ou d'une autre, mais jamais je n'ai cru que ça puisse arriver. À chaque pas que je tentais, risquais, j'entendais en moi ce cri, pas plus loin, pas un pas de plus, mais je ne pouvais m'en empêcher. Il me fallait tenter un petit pas de plus, rien qu'un, et encore un, et toujours un de plus, et puis c'est arrivé. C'est ainsi que ces choses-là se passent. Que va-t-il advenir de toi désormais, après cela? De moi, il adviendra ce que pourra. C'est sans importance. Pas un mot trahissant du regret. Peut-être n'en éprouvez-vous aucun. Pardon, monsieur le proviseur, cette affaire-là ne regarde personne. Je la réglerai avec moi-même. Et tu vis sous le même toit que cette femme, dans la confiance. Or, les disparus, s'ils voyaient... Tu vas en ville? Oui, le plus tôt sera le mieux. Je vais avec toi. Tu veux? Je savais bien que nous ne t'avions pas perdu. Viens, Kroll. Viens. Pas de passerelle. Aujourd'hui non plus. Prends par le haut. Ne passera jamais au-dessus du torrent. Jamais. Oui. Oui. Madame Elsette? Qu'y a-t-il, mademoiselle? Auriez-vous la gentillesse de descendre la malle du grenier? Votre malle? Oui, la malle brune en peau de phoque, vous savez. Très bien. Mais grand Dieu, mademoiselle va partir en voyage? Oui, je vais partir en voyage, madame Elsette. Et sur l'heure? Dès que j'aurai fait mes bagages. A-t-on jamais entendu pareille chose? Mais mademoiselle va revenir bientôt, que je sache. Je ne reviendrai jamais. Jamais. Grand Dieu, qu'allons-nous devenir à Rosmersholm si Mademoiselle West n'est plus là? Le pauvre pasteur commençait enfin à se sentir si bien, si heureux. Oui, mais aujourd'hui, j'ai peur, Madame Elsette. Peur? Tout Jésus, pourquoi? J'ai eu comme la vision fugitive des chevaux blancs. Chevaux blancs? En plein jour? Oh, ils sont dehors jour et nuit, les chevaux blancs de Rosmersholm. Mais il s'agissait de la malle, Madame Elsette. Ah oui, la malle.